Fou d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Alors, bonsoir et bienvenue à l'émission Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures avec du très bon rock progressif, avec des nouveautés entre autres et certains classiques. Nous aurons ce soir Andy Jackson, Albion, Proteo, Ignatius, Bjorn Riss, Mystery, Orchestre Celesti, Lunatic Soul, Time's Up, Écosse, Anima Morte, Caravan et Das Rumpiloten. On débute l'émission avec un nouvel album qui vient tout juste de paraître, celui de Andy Jackson. Andy Jackson qui se trouvait être le coproducteur et l'ingénieur du son de l'album Division Bell de Pink Floyd. Alors, avec un background comme le sien, on peut s'attendre à ce que l'enregistrement qui vient de paraître soit impeccable, et c'est le cas. Je vous recommande très fortement cet album-là. Il est plein de petites créativités sonores et mélodiques. Alors, voici Andy Jackson avec la pièce « Herman at the Fountain », c'est tiré de « Signal Noise ». l'instant, c'était Andy Jackson avec la pièce Herman at the Fountain. C'est tiré de l'album Signal to Noise. Ça vient tout juste de paraître. C'est assez Pink Floydien comme atmosphère. Et pour cause, Andy Jackson, comme je le disais en introduction, c'est l'ancien coproducteur et ingénieur du son de l'album The Division Bell de Pink Floyd. D'ailleurs, c'est un de mes fidèles auditeurs, Denis Guillaume, qui a attiré mon attention sur cette parution il y a quelques semaines. Alors, on le salue. On continue avec un groupe polonais, Albion. On a fait jouer quelques pièces de Jerzy and Chuck il y a quelques semaines, qui a été très bien coté par les auditeurs. Et Jerzy and Chuck est un des fondateurs du groupe Albion. Alors, on va entendre une pièce de l'album qui est paru en 2005. L'album s'intitule Wabiak Chionik. Et c'est le troisième du groupe. Ils en ont cinq au total. Et la pièce s'intitule Motil. Alors, voici Albion. Kiedyś tam z głową utuloną w dłoniach stara, zmęczona długą drogą, zapatrzona w nicość, z kokonu nic niewartych myśli, ostatnim tchnieniem serca, zamknę oczy i rozwinę skrzydła. Uniosę się Alors, on vient d'entendre le groupe polonais Albion avec la pièce Motil, et c'est tiré de l'album Wabjak Saigné. C'est paru en 2006. Alors, on va conclure le premier bloc avec un groupe italien du nom de Proteo. Proteo, qui sont connus pour être actifs depuis, en fait, 1996, mais ils ont produit seulement deux albums, un en 2009, Under a Polar Red Light, et un tout récent en 2013 qui s'intitule Republic Flushed Facing East. Et c'est de cet album qu'on va entendre la pièce Berlin. Thank you. set it west at the end today, as it did when west was still a dream. See the sky with clouds, I did a song on its way to west. They can hide but can't stop history. Everyone's dream. Alors, vous venez d'entendre le groupe italien Proteo avec la pièce Berlin. Et c'est extrait du dernier album qu'ils ont produit en 2013. L'album s'intitule Republic Flushed Facing East. Alors, on retourne à la pause. Ignatius d'Espagne, Bjorn Riss de Norvège et Mystery de Montréal. Fou de sensationnel. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est fou, 89.1. Le vendredi 19 décembre prochain, au Nord-Ouest Café, venez festoyer avec les frères Lemay pour une soirée des fêtes néo-trad exceptionnelle. Le Nord-Ouest Café, 1441 Notre-Dame, Centre-Ville, Trois-Rivières. L'avenir avec Monsieur Chaloum. Pour ses vacances, le Père Noël ira au Carnaval étudiant 2015 et fera trop de crossfit. Désormais appelé « Céleri de Noël », il gagnera au beer pong et ne pourra pas faire sa livraison de cadeaux avec plus de 0.08. Oh, je vois dans ma tasse de thé que vous allez vous inscrire près de la bibliothèque et que vous allez suivre la page Facebook. Oh, Carnaval étudiant, viens créer ta propre histoire. Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de C'est Fou. Fou de métal. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est Fou 89.1. Alors, c'est sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 que vous écoutez Rock de Neurones, une émission consacrée au rock progressif. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley jusqu'à 22h. On débute le deuxième bloc avec un groupe d'Espagne du nom de Ignatius. Ils ont un album à leur actif. L'album s'intitule Lights from the Deep. Et la pièce qu'on va entendre s'intitule Resurrection. Entre parenthèses, extrait, c'est-à-dire que j'ai coupé une partie de la pièce pour les besoins de la programmation. Alors voici Resurrection de Ignatius. Thank you. Alors, c'était le groupe espagnol Ignatius avec la pièce Resurrection. En fait, un extrait de la pièce Resurrection. C'est tiré du seul album qu'ils ont produit à date qui s'intitule Lights from the Deep. On enchaîne avec quelque chose d'un petit peu plus calme. Bjorn Riss, qui est un artiste qu'on a fait jouer il y a quelques semaines passées. Et on revient avec une autre pièce de l'album Lullabies in a Car Crash. La pièce s'intitule Stay Calm. Alors, voici Bjorn Riss. Je vais passer une courte publicité pour résoudre le petit problème technique. Fou de déraisonnable. 89 ans. Vous trouvez que 20 secondes, c'est pas assez? Écoutez les palmarès, c'est fou, les mercredis de 14h à 17h, en rappel les vendredis 17h et les dimanches à midi. Vendredi, le 19 novembre, 21h, votre café-bar Le Zénob accueille les formations Le Vaisseau d'or, Juste Robert et Bohème Yann pour une soirée à la fois folk, pop et gypsy. 10$ à la porte. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Merveilleux. 89 ans. Alors, il va tout de suite avec Bjorn Riss et la pièce Stay Calm. Did your father give you hell? Did your mother try to break you down? Did they mess up your head and tighten the strings attached to your bones? struggle between the boredom and pain. But you're still waiting for something to happen, something to keep you from going insane. Don't you wanna believe that you can see the sky from here? and you can have it all, as long as you're playing the game. Get a new life, get a better job and a faster car. Get a TV that'll cover your wall. It'll numb your pain and erase your mind. Alors, c'était Bjorn Riis avec la pièce Stay Calm. C'est tiré de l'album unique de Bjorn Riis, Lullabies in a Car Crash. Notre prochain artiste, c'est un groupe montréalais, Mystery, qui est quand même assez actif depuis 1992. On leur connaît 5 albums studio. Mais ce qu'on va entendre, c'est une pièce qui est tirée de l'album double Live, Tales from the Netherlands, qui a été enregistré, je crois, l'été passé. Et la pièce s'intitule « Travel to the Night ». Alors voici Mystery, groupe de Montréal. Thank you. Alors, c'était Mystery avec la pièce Travel to the Night. C'est tiré du CD double Live Tales from the Netherlands. Alors, on va enchaîner avec un groupe italien du nom de Orchestre Celesti. C'est un groupe avec 5 albums à leur actif depuis une dizaine d'années. Et ce qu'on va entendre, c'est extrait du dernier qui s'intitule The Court of Miracles, Volume 1. Donc, on peut s'attendre à une suite. Et la pièce s'intitule Air Dancer. Alors, voici Orchestre Celesti d'Italie. Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe italien Orchestre Celesti avec la pièce Air Dancer. C'est tiré de l'album qui vient tout juste de paraître, The Court of Miracles, volume 1. Alors, on enchaîne avec un groupe polonais du nom de Lunatic Soul. On a déjà fait jouer à l'émission, mais on reprend ça avec Treehouse, qui est extrait du dernier album Walking on a Flashlight Beam. Alors, voici Lunatic Soul. Quiet. Alors, c'était Lunatic Soul de Pologne avec la pièce Treehouse et c'est tiré de l'album Walking on a Flashlight Beam. Ça, c'est probablement un des 10 albums de l'année là, au niveau du rock progressif. Alors, on va conclure le bloc avec un groupe britannique du nom de Time's Up. Ils ont 3 albums à leur actif, dont le tout récent Sea of Schemes. Et on va entendre la pièce titre. Alors, voici Time's Up.

se pueda ver la luna oscurecida también. Y hay tanto que ocultar, el viento ha tocado tu piel. Tal vez quieras correr, no importa, nadie escucha tu ser. Pero aquel que te ocultó susurra a la distancia tu nombre. Sé que debes correr. Thank you. Alors, c'était le groupe mexicain Écosse avec la pièce Rostro Oculto qui est extraite de l'album Luz Interna. Ça, c'est paru en 2012. Alors là, on va aller du côté de la Suède avec la dernière parution du groupe Anima Morte. Et la pièce qu'on va entendre s'intitule Weightless. We'll be right back. Alors, c'était le groupe suédois Anima Morte avec la pièce Wakeless et c'est tiré de leur plus récent album Upon Darkened Stains. Upon Darkened Stains. Alors là, on va faire un petit retour en arrière avec le groupe Caravan et une pièce qui est extraite d'une tout récente compilation, une énième compilation pour Caravan. S'intitule Place of My Own, The Collection. Alors la pièce s'intitule the dog, he's at it again. Caravan. Love me, girl, would you like a sweet to eat? I've got someone that I'd like you to hold, and my brother will tell you that it's good for your cold. So, there, surely there is nothing wrong. Take my hand and we'll try to make a stand for all censorship, decency all night long. You're naive if you really do believe that the world itself full of sin. Never look back on the things that you lack when you're in. My mother said that I should stay out of bed, but I know that I like it in there. Legs and thighs and laws and goodbyes, it's all there. The world is so full of sin. Alors, c'était Caravan avec la pièce The Dog, The Dog Is At It Again. C'est tiré de la nouvelle compilation qui s'appelle Place of My Own, The Collection. Alors, on va conclure l'émission avec du psychédélique allemand. Le groupe s'appelle Das Raumpiloten et l'album qu'ils viennent de faire paraître s'appelle Raum, R-A-U-M, et la pièce qu'on va entendre, c'est Klaus Kinski. Alors, voici Das Raumpiloten. Ich sehe nicht die geringste Veranlassung und lehne es geradezu ab, irgendjemand auf der Welt Rechenschaft abzulegen über das, was er macht. Alors, c'était le groupe allemand Das Rumpiloten avec la pièce Klaus Kinski. C'est tiré de l'album qui vient de paraître, Raum. Alors, ceci met fin à l'émission. Mon nom est Jimmy Farley et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h pour une nouvelle émission de Rock de Neurone. Fou d'incroyable. Vous êtes dans la zone 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca.